De longues prairies se succédèrent, avec d'innombrables troupeaux de moutons et des huttes de bergers. Puis le désert se montra, sans transition, avec cette brusquerie particulière à la nature australienne. Cependant, nous approchons du pays de l'or, dit Paganel. Et notre route, avant la fin de cette journée, aura coupé le railway qui met en communication le Murray et la mer. Un vigoureux coup de sifflet interrompit la discussion. Ce chemin de fer, ainsi qu'il avait dit Paganel, relie la capitale de Victoria au Murray, le plus grand fleuve de l'Australie. Le 37e parallèle coupait la voie ferrée, précisément à Camden Bridge, pont jeté sur la Luton, un des nombreux affluents du Murray. Une foule considérable se portait vers le pont du chemin de fer. Un effroyable accident avait eu lieu. Non à rencontre de train, mais un déraillement. Seul, le dernier wagon restait sur la voie, à une demi-toise de l'abîme. Après l'horrible chute, l'incendie plus horrible encore. De larges traces de sang, des membres épars, des tronçons de cadavres carbonisés apparaissaient çà et là. C'était un pont tournant qui s'ouvrait pour le service de la batellerie. Le garde avait donc oublié de le fermer. Et l'incurie du garde venait de causer cette catastrophe. Il devait être 3h15 du matin, quand le train y demeura en détresse. Le télégraphe ne fonctionnait plus. Il était 6h du matin, quand le sauvetage fut organisé. Cependant, Lord Glenarvan s'étant fait connaître du surveilleur général, causait avec lui et l'officier de police. À ces paroles de Glenarvan, « Voilà un grand malheur !» Il répondit tranquillement, « Mieux que cela, Milord. Un crime. Oui, Milord. La catastrophe est le résultat d'un crime. Le dernier wagon des bagages a été pillé. Les voyageurs survivants ont été attaqués par une troupe de 5 ou 6 malfaiteurs. Et si l'on rapproche ce fait de la disparition du garde, on doit en conclure que ce misérable s'est fait le complice des criminels. » En fait, le garde est retrouvé poignardé, le crime ayant été ourdi par des bagnards envoyés d'Angleterre. En ce moment, le chariot arrivait au passage à niveau de la voie ferrée. Glenarvan voulut épargner aux voyageuses l'horrible spectacle de Camden Bridge. Il salua le surveilleur général, prit congé de lui et fit signe à ses amis de le suivre. « Ce n'est pas une raison, dit-il, pour interrompre notre voyage. » Puis, la petite troupe traversa le railway quelques centaines de toises au-dessus du pont et reprit vers l'est, sa route accoutumée.